petit à petit, les couleurs sont devenues grises, nonchalamment. Petit à petit, on ne sait plus faire de bise, juste en passant. Petit à petit, on s'est croisé sans se voir, distraitement. Petit à petit, on connaissait toutes nos histoires depuis le temps. Petit à petit, on est devenu tout petit, au milieu des tourments, jusqu'à en oublier la vie. Fallait-il en rester là? Petit à petit, on s'est rappelé comment on s'est connu. Petit à petit, juste à propos d'un enfant, on s'était mieux. Petit à petit, à force de larmes versées dans la douleur. Petit à petit, on s'est un peu rapproché sans avoir peur. Petit à petit, on est devenu grand, plus grand que l'infini qui dure infiniment. Et petit à petit, on est redevenu grand, bien plus grand que l'infini qui dure infiniment. Petit à petit, les couleurs sont revenues subtilement. Petit à petit, enfin, ensemble on a su vivre en s'aimant.